Écoutez, là, regardez, les plus grandes compagnies québécoises donnent. Et c'est normal, on veut que ces compagnies-là s'impliquent au niveau démocratique. C'est ça qui fait rouler la démocratie. Très bien. Ça vous donnait, par contre, aussi un très beau rayonnement. Je m'excuse. On veut pas que ces compagnies donnent là. C'est interdit au Québec. Oui. Okay, excusez-moi. C'est les individus. Excusez-moi. C'est exactement le contraire qu'on cherche à atteindre. Excusez-moi. Il est une richesse naturelle pour le Québec, mais heureusement, Hydro-Québec ne l'a pas encore bradé au privé. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Wow! On est serré à soir, hein? Hey, bonsoir tout le monde. Je vais m'asseoir. Bonsoir tout le monde. Hein? Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de cette soirée des plus malaisantes à la télé québécoise dimanche dernier. Hein? Fred, bonsoir. Bonsoir. Waouh. Hein? C'était malaisant. Vous avez trouvé ça malaisant tant que ça, la fusillade dans 19-2? Ah non, mais non, je parle d'Annick Jean, tout le monde en parle. Ah! Dis-moi, voyons donc. Ah, elle! Hey, ça, c'était malaisant, toi, chaud. Ça a quand même, ça a quand même l'air le fun de sortir avec Patrick Huard. Hein? Ben oui, fâchant qu'il soit déjà pris, ce gars-là. Ouais. Hein? J'aurais aimé ça essayer, moi. Non? Tant, il est plein de cuir, en plus. Là, ça vous regarde. En tout cas, on a appris cette semaine qu'on peut vraiment faire n'importe quoi et être invité à l'émission la plus écoutée au Québec. Ça a été... C'est pas La Voix, l'émission la plus écoutée? Ah ben oui. Puis Annick Jean, en plus, elle n'a pas de voix. Fait qu'elle n'a pas pu y aller. Ouais, mais pathétique. Non, mais pathétique, par exemple. Non, mais je pense que ça prend les deux pour y aller dans ce show-là. Ça. Ben oui, oui, sans oui, ça, Jean-Pierre oui, Ferland ne capote pas. Mais parlant de pathétique, il y a François Legault, hein, qui, lui, trouve que nos universités font ben pitié. Ouais, hein? Puis les universités, elles. Ben, il trouve que François Legault fait ben pitié. Mais en pas même temps. Pas tout. Non, non, mais il n'y a pas tort, François Legault, Fred. Écoute, regarde, on fait pitié que nos frais de scolarité à 1500$. Il faut arrêter de penser en BS, Fred. Ouais, ouais. Regarde, ça coûte 28 000$ à Toronto pour faire des études en finance, hein? Ça, c'est une bonne attitude. Ouais, mais les pauvres qui veulent aller en finance, ils font quoi? Les pauvres qui veulent aller en finance. Voyons donc, Fred. Il n'y a pas de pauvres qui veulent aller en finance. Les pauvres, là, ils veulent écouter la TV. Puis les plus dégourdis, là, au mieux, ils étudient en philosophie ou en histoire de l'art. Ce qui revient à écouter la TV, finalement, là. Come on, voyons donc. Hey! D'ailleurs, c'est ce que Pauline Marois a dû faire, écouter la télé au lieu d'aller perdre son temps en Écosse. Hey, bon boy. Hey, ça a été un gros voyage indépendantiste. Hein? Ah ouais, tellement indépendant qu'elle l'a passé tout seul. Ah, c'était pas. Ouais, c'était quelque chose. Ça a bien été. Ça a très bien. Mais je pense que c'était plus un voyage touristique. Hein. Ouais, vers la fin, surtout. Moins, ouais. C'est ça, c'était pas. Je sais pas si elle se déplace en voiture blindée. Ouais, ben oui, comme Stephen Harper. Hein? On a appris ça cette semaine. Les voitures blindées qu'il a amenées en Inde ont coûté $1 million. Hey, c'est du blindage, ça. Oui, mais c'était en platine. C'est du beau blindage en platine. Hein? Mais de toute façon, ces voitures-là, si je comprends bien, là. Il tombe au chômage. Oui, le voyage est fini. Bah, ouais. Ben, ça veut dire qu'avec les nouvelles règles d'assurance-emploi, ben, ils vont juste nous coûter 700 000 $. Ben oui, c'est ça. Toi, c'est 70% du salaire à moins de 100 km du salaire. Ouais. Hein? Puis c'est ça. Puis l'Inde, c'est à moins de 100 km. Hein? Ouais, c'est clair. Ouais, regarde, ouais. La distance, c'est comme la pauvreté, c'est dans la tête, ça, Fred. mais pour en revenir au PQ, là, avec toutes les mesures d'austérité qu'ils prennent, là. Ben, je veux dire, c'est à se demander s'il y a encore des gens qui vont voter pour eux aux prochaines élections. En tout cas, les chercheurs universitaires, ça m'étonnerait qu'ils votent pour le PQ. Puis les malades aussi, Fred, ouais. Je veux dire, avec toutes les coupes en soins de santé. D'ailleurs, ça doit être pour ça qu'ils ont décidé de remettre le projet là, du vote à 16 ans. Ouais. Parce que, je veux dire, l'espérance de vie va finir par descendre. Ouais, avec la santé. Ouais, non, mais c'est pas fou comme idée, parce que ça permettrait à Léo Bureau Blouin de voter pour lui pour la première fois. Ben ouais, puis pour la première fois, ben là, oui. Hey, ça va-tu être le fun? Hein? Il va y aller avec sa mère, probablement. On a-tu hâte? Et Colin. Parlant de bébé, une bonne nouvelle cette semaine. Hein? On a appris que Bachar Al-Assad et sa femme attendaient un quatrième enfant. Un enfant fait dans l'amour, hein? Sûrement, et probablement en vitesse d'ailleurs. mais on ne sait pas encore si c'est un gars, une fille ou une bombe. Non. On ne sait pas. D'après moi, avoir resté alité pour prendre de chance. Hein? Il attend pour peinturer à la chambre, je pense, hein? Bleu, rose, noir. On ne sait pas encore. mais parlant de pas prendre de chance, Fred, ben j'en prendrais pas non plus, moi, pour aller prendre un verre au Brésil. Hey boy. Hein? Ça a l'air le fun, hein? Sortir au Brésil? Tabarouette. Mais en fait, c'est la fausse représentation parce que, en fait, tu fais juste rentrer, tu sors pas. Hein? C'est ce que j'ai compris, là. Bon. parlant de tragédie, je sais pas si vous avez vu, c'est sorti jeudi, une autre tragédie, une autre catastrophe en Haïti. Ah non, pas sérieux. Ben oui, ils ont décidé d'ouvrir une école de l'humour. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu pour recevoir tout ça? Faut leur envoyer de l'aide, voyons donc! Je sais, je trouve ça écœurant, Fred. Bon, on commence quand même. On a décidé de garder Philippe Bond ici. Ah, ça, c'est de l'altruisme. Ouais. Ah, ouais, ça, c'est un don de soi. C'est une grande humanité, ça, Fred. Tu veux pas vivre ça un an de même. Parlant d'humanité, exceptionnellement, ce soir, on reçoit deux êtres humains. Oui, c'est très, très rare. C'est rare. Oui. Tout d'abord, on reçoit un député de la CAQ pour la deuxième semaine consécutive. On a été infiltré, on va se le dire. Impossible. Deux semaines en ligne. Impossible, Fred. Parce que c'est l'Eliott Ness du Québec qu'on reçoit, M. Jacques Duchesne. Hein, ouais. Qu'on accueille ce soir. Et on reçoit également. Vous pouvez applaudir. Hein. Non, mais je vois que les gens s'en tiennent. Il faut savoir que notre public est option nationaliste. Hein. La seule personne qui a applaudi dans les 10 dernières années, c'est Jean-Martin Hossan. C'est vrai. Même si personne dans le connaît. Ouais, c'était fou, là. On reçoit également une ancienne ministre péquiste des Relations internationales, Louise Beaudoin. Oui, la Jean-François Lisée. Oui. Ouais. La Jean-François Lisée des années 90, finalement. Oui, mais avec de la modestie, Fred. Ah, ouais. C'est une grosse différence. Ouais. Non, mais il y a encore le temps de se calmer. Je pense que ça s'en vient. Il se calme de plus en plus. Ouais, de toute façon. JF, qu'on dit. Oui, en anglais. Il faut le dire en anglais et en français. Jean-François Lisée. De toute façon, regarde, il y a le temps de trouver ça, là, parce que la soirée est encore jeune, tout le monde. Bon! Olivier, oui. Vous êtes encore ici? Ben oui. Les internets, s'il vous plaît. Suivez-nous au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où vous pourrez relire Stéphane Laporte sur Twitter qui suggère subtilement à Piers Morgan de CNN d'écouter La Voix. C'était de l'humour, Olivier. Hein? Ben oui, vous comprenez jamais rien. Ah. Grosse semaine d'actualité, tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de 19-2. Hein? Ben, on en a parlé un petit peu au début, quand même. Non, mais je pense que c'est pas suffisant avec les nouvelles règles de convergence à Radio-Canada. Il faut en parler plus. Ah plus oui, c'est vrai. Ouais. Attendez, je retrouve la fin. Ouais. C'était très bon. Très bon. Le meilleur moment de télé vu à la télé, vraiment très bon. L'avez-vous vraiment regardé, Fred? Non, j'ai pas eu le temps, mais c'était très bon. Ah, bon, je pense que c'est fait. Good. OK. Le cas d'Éric et Lola a connu son dénouement la semaine dernière. Les conjoints non mariés n'auront pas droit à une pension alimentaire. Évidemment, l'affaire n'a laissé aucun chroniqueur indifférent. Et même Lisiane Gagnon, qui, à contre-courant, s'est prononcée là-dessus en affirmant qu'au Québec, plus de 60 % des enfants naissent d'union de fait, un phénomène exceptionnel et malsain. Yark. Malsain. Une aberration hérétique qui nous a inspiré notre palmarès hebdomadaire. Alors, voici les 5 meilleurs arguments afin de convaincre les sales mécréants québécois de se marier. En 5e position... Il est essentiel de se marier afin d'éviter que Lisiane Gagnon écrive un autre texte sur le même sujet. Ça, déjà, jamais. Non, jamais. On rit, hein. Mes yeux ont saigné, moi, quand j'ai fait cette semaine. Ça, vous avez des grosses paupières. Ah, regarde. L'iris irrité. En 4e position, il est essentiel de se marier afin d'éviter d'avoir Anne-France Goldwater devant toi comme avocate. Hey, ça, c'est clair, regarde, moi, je donnerais la moitié de mes REER pour être sûr que ça arrive pas. Avec le salaire que vous faites, Fred, il y a des chances que c'est vous qui allez recevoir l'argent. Ah, ben mon Dieu. Ouais, ben non, mais Radio-Canada, quand même. Pensez-y bien. Ben oui. En 3e position, il est essentiel de se marier pour éprouver autant de bonheur qu'on peut en voir sur la vidéo du mariage de Patrick Huard et Annick Jean. Non, c'est pas un incitatif, ça. Non. On s'est trompé, je pense. Non, on va l'effacer. En 2, voyons, il n'y a comme pas de numéro 2 et numéro 1. Mais non, on n'a pas réussi à trouver deux autres bonnes raisons pour convaincre les gens de se marier. Ah ben, c'est niaiseux. on est en stall à 3. Ah ouais? Mon Dieu, ça a de la plate à mariage. Fred, notre premier invité. Ancien chef de la police de Montréal, notre premier invité s'est recyclé depuis en député de la CAQ et récemment en conseiller en communication pour organisateur politique. Accueillons M. Jacques Duchesneau. Monsieur Duchesneau. Hey, ça va assez bien. Mon Dieu, mais j'ai même plus de joke à faire. Vous l'avez fait avant moi. Non, mais est-ce que je vous offre une bière? Non, ça sera un pot de vin, c'est ça? Monsieur Duchesneau, ça fait assez longtemps qu'on veut vous recevoir, nous, à cette émission. Si on a essayé tout l'été. Il y a eu la campagne électorale. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je m'en rappelle plus. Ouais. et là, on vous a, puis on a une question à vous poser. Comment vous trouvez ça être chef de la deuxième opposition? À Québec. Vous attendiez à la première ou peut-être même au pouvoir. C'est passionnant. Oui, c'est vrai. C'est beau. Merveilleux. Votre petit deuxième. On a à peu près 3 minutes à l'heure quand on est en commission parlementaire. C'est vrai. On a 2 questions et demie par jour. Ben, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai, une journée 2, une journée 3. Moi, je m'occupe de la demi-question tous les jours. Oui, c'est vrai. Puis votre responsable des réseaux sociaux, François Legault, comment il va? Il va très bien. Oui. Et de mieux en mieux. Ah, c'est vrai? Ah, oui. Bon, parce qu'on vous a un peu perdu de vue récemment. Je pense que vous avez laissé toute la place au PQ et leur gaffe. Hein? Mm-hmm. Puis, ce qui fait que on a oublié c'était qui la CAQ. Pendant un petit bout, pendant un petit bout. Oui. Pendant un petit bout. Oui. Ça, vous êtes revenu, là. Avec la commission Charbonneau, thanks to Martin Dumont. Oui. Hein, qui a fait un très bon travail. Martin. Dumont. Non, Dumont, oui. Je m'en mêle tout le temps. D'ailleurs, je me dis Mario Dumont, Martin Dumont. Ah, ça, on a entendu. Oui, beaucoup de lapsus. Cela dit, est-ce que vous êtes bien préparé pour l'entrevue que vous avez ici ce soir? Non, je m'en vais dans 3 minutes. Arrête. Pour vrai? Oui. Mon Dieu. Mais ma consoeur, la semaine passée, est arrivée une demi-heure en retard. Non, même pas. Non, non, non, ça a bien été. Oui, ça a bien été. Ah, oui. On a quand même accusé les routes et le PQ. Oui. Parce que. Non, mais je veux dire, on va être safe, là. C'est vrai. Monsieur. Parce que quand même... Bonne chose. Cela dit, vous avez vraiment fait l'actualité bien à votre gré, contre votre gré, en plus. C'est ça qu'on dit, hein? Contre votre gré. Oui. Ou vous aviez envie de faire l'actualité. De toute façon, en politique, les attaques nous viennent de toutes parts, de toute façon. C'est, ben oui, vous avez plus qu'en police. Oui, mais police, c'est différent. Mais, d'autres types d'attaques. Oui, on en parle plus tard. Cela dit, on a appris que vous aviez conseillé un peu Martin Dumont lors de son passage à la commission Charbonneau. Puis évidemment, on en a entendu parler parce qu'il est revenu en janvier, puis il s'est un peu contredit. Mm-hmm. Un peu. Pas beaucoup, beaucoup, mais un peu. Mais en même temps, c'est une commission sur la construction puis la corruption. Fait que c'est tannant, ça, quand on se contredit dans ce temps. Comment ça, vous l'avez conseillé, donc? Non, mais c'était pas votre meilleure idée. Moi, je pense que oui. Ah oui? Oui. Parce que, vous savez, des amis, on n'a pas besoin de ça quand ça va bien. Hein. C'est quand ça va mal. Ben, moi, je trouve ça fun quand même au chalet avec des chums. Là, mais ça, c'est et, moi. Non, en fait, c'est que la veille de son témoignage, il était comme plus intéressé à y aller. Alors, c'est ça. Donc, c'est parce que c'est quelqu'un que j'avais rencontré en début d'année pour préparer le deuxième rapport. Vous savez, beaucoup des affirmations qu'il a faites ont été corroborées par M. Lalonde cette semaine, par exemple. Ben oui, un autre, il y avait beaucoup de choses à dire. Oui. Mais cela dit, on a eu l'impression qu'il s'était trompé sur Gérald Tremblay. Et puis là, on est en train de se dire, toute la communauté, si on se dit, on aurait-tu perdu Gérald Tremblay pour rien? Maudit! Un bon maire de même qui s'en va comme ça à cause d'une fausseté. Ça se peut-tu, ça? Bien, M. Tremblay a dit que, de toute façon, il était parti pour d'autres raisons que Martin Dumont. Ah oui? Ben oui, c'est un addon. Mais peu importe. C'est un bel addon. Mais peu importe. Mais cela dit, on en a appris pas mal. On a appris que le PLQ, le PQ, avait bénéficié d'argent sale, et même l'ADQ. Mm-hmm. Puis on dira ce qu'on voudra, l'ADQ, il y a des petites traces d'ADQ dans la CAQ. Même ce que je disais, ça se dit mal encore. Hein. La semaine passée, ça se disait mal. Cette semaine, ça se dit encore mal. Mais c'est 29 000 $ qui auraient été donnés illégalement à l'ADQ. Est-ce que vous en avez encore des traces de ça? Non, mais l'ADQ est un parti qui a terminé ses activités il y a longtemps. La CAQ, c'est un renouveau. Ah! Je l'oublie tout le temps. C'est parce d'ailleurs, on est là pour faire de la politique autrement. C'est pour ça, donc, qu'on peut donner des conseils à des gens. Attendez un peu. Le PQ aussi devait faire de la politique autrement. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Mais, ça, c'est des questions pour Mme Beaudoin. Regardez ça. Ah, ben oui, regardons. Okay. Je vais juste tasser ça. Bougez pas. Ah, là, je l'ai ici. Hey, votre patron t'est fâché entre vous cette semaine? J'ai retrouvé mes questions. Ah oui? Ouais, non, je vais juste... ça vous dérange pas, je vais garder ma main. OK. François... Question suivante. Non, mais je trouve que celle-là, elle est soulignée en jaune. Ah, ça serait bien embêtant de passer à côté. Mais il était pas content, François Legault, de vous cette semaine. Puis, regardez, je comprends. Vous savez, moi, j'ai deux enfants, je les adore, mais ils font pas toujours des bonnes choses. Donc, quand on se critique, je les aime pas moins. Non. Alors, c'est la même chose. Vous êtes le fils de François Legault. Oui, D'ailleurs, il est beaucoup plus vieux que moi. Alors, c'est ça, je me disais. C'est effectivement mon père, donc on sort du garde-robe. C'est vraiment spécial, ce parti-là. Hein? C'est bien, bien spécial. N'empêche, là, je commence à comprendre pourquoi le Devoir vous a nommé le politicien le plus populaire après Françoise David. Mais Françoise David, ça compte pas. Alors, vous êtes le politicien. Elle est adorable. Oui, on le reçoit ici. Fascinante. Mm-hmm. Mais ça fait de quoi, ça, être le politicien le plus apprécié des Québécois après Françoise David? Après. Ça fait que nos adversaires se préparent à lancer des tomates, des roches, etc. Mais ça, comme policier, j'ai eu ça toute ma vie, alors je suis habitué. C'est vrai, parce que vous avez été policier, vous, avant d'être député de la CAQ. Vous avez même été candidat à la mairie de Montréal. Oui. Ça, c'est en 98. Oui. D'ailleurs, avec le parti Nouveau Montréal, fait intéressant, vous aviez dans vos candidats Michael Applebaum. Oui. Qui avait été élu, un des trois qui avait été élu, parce que bon, on se rappelle. Le chanceux. Ben oui, ben c'est juste, ça, moi, ça avait parti battu, haut, puis ça a fini bas. Ça fait penser à la CAQ, d'ailleurs. Cela dit, Michael Applebaum avait été élu. Ouais. Et là, maintenant, Michael Applebaum est maire de Montréal. Bon, je veux dire, par la bande, là, on s'entend. Mm-hmm. Mais là, la question qu'on se pose tous, c'est, vous le connaissez, vous, Michael Applebaum? Oui. Est-ce qu'il est fiable? Oui. Pour vrai? Oui. Mon Dieu, fait qu'on n'a même pas besoin de faire d'élection en novembre, là. Non, non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais rappelez-vous qu'en 98, hein, moi, j'étais allé en politique pour m'attaquer à... La corruption. Et voilà. Finalement, vous et finalement, il y a des témoins cette semaine qui sont venus parler qu'effectivement, ça existait en 1998. Et je passais pour un éliminé en 98 quand j'ai parlé de ça. Entre-temps, entre 1998 et 2013, on a juste fait voler une couple de centaines de millions. ma dernière question, vous allez voter pour qui aux élections municipales? Là, vous avez le choix, là, c'est un libéral fédéral ou un libéral provincial? C'est parce que j'habite pas Montréal, donc... Arrêtez donc! Non? Vous avez été chef de police à Montréal? Oui, mais... C'est trop dangereux. Il vous reste pas un petit pied à terre à Montréal? Même pas? Non, non, c'est parce que je sais que la question qui s'en vient, j'imagine... Ah non, j'ai même pas d'autre... Donc, vous pouvez être candidat? Non, j'ai... Ah non, je vous aurais pas posé ça. Je suis même pas éligible pour être candidat à Montréal. Ah, c'est de toute façon, avec votre défaite de 98, ça doit plus vous tenter? Non, mais... Le soir de la défaite, mon fils Jean-Philippe. Ah, tu as un beau nom. Oui, hein? qui m'a accompagné tout le long de la campagne, qui était jeune, qui pleurait le soir, qui disait on a perdu. Et je disais non, non, non, non. On n'a pas perdu. On n'a pas été élu, c'est vrai. Ouais. On n'a pas perdu. Je pense que ça a été une expérience qui m'a été bénéfique. Vous restez avec nous? Bien, avec plaisir. J'espère, mais vous ne buvez même pas une petite bière? Même pas en cachette. Un petit vin italien? Même pas. Bon, OK, bon, c'est je sais pas si vous avez vu sur les ondes de RDS la nouvelle série 24CH, hein, sur les dessous du Canadien de Montréal. En tout cas, nous, on a trouvé ça un peu plate, bien honnêtement. Alors, on a décidé de revisiter leur publicité pour qu'elle soit plus représentative du produit qu'on nous sert. On écoute. La plus grande franchise du moins populaire des sports professionnels. Un accès sans précédent. Des images exclusives de joueurs qui tapent leurs bâtons en combine sur de la musique dramatique. Des entrevues inédites avec l'entraîneur qui dit les mêmes affaires qu'en point de presse, mais dans son char. Le directeur général Marc Bergevin qui se confie en français. Jean? Mickey, il est content de l'entendre qu'il a entendu moi aussi. Des séquences au ralenti de Thomas Cabernet, qui patinait déjà au ralenti. Un suspense à couper le souffle, grâce à un narrateur qui a beaucoup trop fumé dans sa vie. 24CH, la série. Présenté par Bell, censuré par Canadien. Je l'ai pas écouté, mais je vais l'écouter. Ça a l'air bon. Bon. C'est le collaborateur le plus apprécié de l'équipe, si on le sait. Le plus drôle aussi, évidemment. Le plus vif, le plus voluptueux, mais c'est aussi celui qui risque le plus de nous quitter, mesdames et messieurs. Toute la semaine, on l'a vu dans la section emploi dans le journal. Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Ah, bonsoir, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va bien? C'est vrai? Ben, quand même, là. Ben oui, ben, en fait, c'est rien de personnel, hein, Jean-Philippe. C'est ce que j'ai compris cette semaine en regardant le beau programme de la juge Charbonneau. Ouais. Que c'était pas avec nos salaires de poêle, la Radio-Canada, qu'on va finir par mener une vie décente, mon bon Jean-Philippe. Non. Alors, j'ai pensé nous offrir à tous une séance de réorientation professionnelle. Ah. Et j'ai avec moi nul autre que Mme Patricia Richard, directrice de l'information à jobboom.com. Vous savez, le fameux site spécialisé ben en oui. recherche d'emploi. Mme Richard, bonjour. Bonjour! Alors, évidemment, cette semaine, on a tous compris que la job qu'il fallait envisager, c'était ingénieur. Est-ce que c'est une option d'avenir ou est-ce qu'ils vont en avoir moins l'occasion de fourrer tout le monde maintenant qu'on sait ce qu'on sait? Alors, il y a énormément de demandes pour les ingénieurs de tous horizons, d'ailleurs, que ce soit des ingénieurs informatiques juste aux ingénieurs civils, évidemment. Mais là, on peut s'attendre peut-être à un haut taux de roulement aussi, en plus, qui va ajouter à la grande demande qu'on a actuellement. Alors, moi, je mise là-dessus sans problème. Parce que ça roule, effectivement. Maintenant, j'aimerais savoir, au niveau de la formation, ça représente quoi exactement les cours? Je veux dire, c'est quoi la proportion de cours en génie versus les cours de lobbying et de collusion? Est-ce qu'on apprend à ouvrir des comptes bancaires en Suisse ou aux îles Caïmans? Est-ce qu'on apprend à convaincre des politiciens québécois ou libyens à accepter de l'argent? Est-ce que tout ça, ça prend dans les cours ou on apprend un peu sur le tas comme dans d'autres professions, madame? C'est à ça que servent les stages dans la plupart de ces cours-là. Alors, je suggère d'optimiser le plus possible, en fait, son stage en entreprise, dans tout milieu de travail. Comme ça, ben, on finit par passer au travers là, tout ce qui est exigé dans n'importe quel sens. Évidemment, aussi, en écoutant la commission, j'ai pensé faire attaché politique, niveau salaire et surtout compte de dépenses. Ça a l'air de torcher en tabarn, Mme Bouchard. 15 000 $ par année, c'est quand même pas si mal, semble-t-il, c'est les données que j'ai dans les documents de l'Assemblée nationale. Mais par contre, les heures supplémentaires ne seraient pas payées. C'est vrai, ça? Ouais. Semble-t-il. Oui. Donc, c'est pas vrai tout ce qu'on entend, forcément. ça, je laisse ça à la rumeur. Et de toute façon, la beauté du métier d'attaché politique, c'est que si je me mets à crosser tout le monde, je pourrais demander à un député de m'aiguiller, puis au final, c'est lui qui va manger de la merde. Merci beaucoup, Madame Richard. On va poursuivre notre exploration des métiers d'avenir dans quelques minutes. Ah, oh, j'ai pas tant hâte que ça. OK, merci Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Boutier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui coûte aussi cher en un an que ce que gagne Piqué Souban en trois jours. Hey, on n'est pas cher, hein? Non! Hein? Et voici un homme qui sait quoi faire dans la vie, Fred Savard. Oui, oui, oui. Et ben, cette semaine, j'ai envie de vous parler de sport professionnel. Ah oui? Ben, je le fais de moins en moins. Et il y a deux raisons pour ça. D'abord, la défaite de 5-1 du Canadien mercredi. Je pense que c'est le temps de peser sur le bouton panique, hein? Ouais. Et de faire le ménage dans cette équipe moribonde. Oui, tout à fait. Et la deuxième raison, c'est bien sûr le Super Bowl qui se tiendra dimanche. Ben, je vous parlerai pas de guacamole, d'ailes de poulet jazzées et des ectolites d'urine qui seront flushées pendant le spectacle à la mi-temps. Là, ça fait des années qu'on nous recense les mêmes reports. Ben on s'en sac. Non! Oui. J'ai envie de tenter de vous démontrer que le Québec devrait bien plus vibrer pour le football de la NFL au lieu de perdre son temps à vénérer la LNH, une ligue de seconde classe qui fait rire d'elle à travers l'Amérique du Nord. Mais ça. Je sais, je suis à contre-courant. Jeff Molson nous l'a répété à la fin du dernier lockout. Le hockey est essentiel au Québec parce que nous l'avons dans notre ADN. Foutaise! Le jour où on prouvera que le hockey fait partie du génome humain, s'il vous plaît, tuez-moi. Mais M. Molson nous a dit ça parce qu'il y a des billets, il y a des chandails, il y a de la bière à vendre et il n'est pas le seul à nous enfoncer ça dans le crâne. Les médias sportifs québécois le font aussi, surtout parce qu'ils sont incapables de parler d'autre chose que de hockey, et que si on s'en détournait, ils se retrouveraient probablement au chômage à 70% de leur salaire à 100 km de RDS. Mais la vérité, c'est que le football, à mon avis, est un sport naturel pour le Québec. Ah ouais? Vous devinerez que je suis un grand fan de la NFL, bien sûr, donc il n'y a aucun parti pris. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que bien les drettistes sont de grands fans de football. Hein. Eux, ils connaissent le vrai Québec des vraies affaires, et ce Québec aime le football, le Québec régional surtout. Le football unit les gens, parce que grâce à lui, j'ai un point en commun avec des gens pour qui je n'ai aucun respect, et ça, je trouve ça touchant. Par exemple, Mario Dumont est un grand fan de la NFL. Éric Duhaime aussi, paraît-il, bien que ça m'étonne. J'étais sûr qu'il préférait le palais. Mais je veux rassurer les gauchistes québécois. Ils en auront aussi pour leur argent avec la NFL. Une ligue qui pratique une certaine forme de communisme. Arrête, oui, puisque tous ses revenus sont redistribués équitablement entre ces 32 équipes. C'est quand même fantastique. Voilà donc un principe d'équité qui devrait plaire à bien des Québécois. Un principe bien plus naturel que ce que se pratique dans la LNH. Alors que les équipes canadiennes et particulièrement Toronto et Montréal fournissent à eux seuls 40% des revenus de la Ligue, qui sont ensuite redistribués à des équipes pauvres et déficitaires, c'est-à-dire DBS. C'est une forme de péréquation et on comprend un peu mieux pourquoi les gens d'ici, inconsciemment, aiment tant le hockey. Ça les déculpabilise de vivre eux aussi comme DBS, grâce au pétrole albertain qu'en même temps nous le répétait Alain Dubuc du haut de sa condescendance d'ancien maoïste recyclé en Châtelain d'Outremont. Mon Dieu, c'est un nom français. Oui. Un autre aspect de la... la ponctuation est en grève cette semaine. Un autre aspect de la NFL qui devrait nous plaire en tant que Canadien, c'est le multiculturalisme qu'on y trouve. Alors que dans la LNH, on peut compter sur les doigts d'une main amputée des deux doigts, le nombre de joueurs non-blancs, la NFL en compte une multitude témoignant de la belle diversité de la race humaine. Et attention, pas juste des Afro-Américains, des Latinos, et même des gens des îles du Pacifique, parfois quelques Canadiens et certains Québécois. Les mauvaises langues, hein, on l'entend souvent, diront que plusieurs de ces Afro-Américains ont un casier judiciaire, c'est vrai. Mais malheureusement, les criminels n'ont pas tous la chance d'évoluer en politique municipale ou en génie civil québécois. Quoi, ils se font parfois prendre. Autre avantage non négligeable de la NFL, la ville de Québec n'aura jamais d'équipe, ce qui fait qu'un amateur de football n'aura pas à se farcir le chauvinisme de cette ville, qui n'a même pas été capable de se financer elle-même un aréna, alors qu'à Montréal, ce sont des gens d'affaires qui ont payé le Centre Bell. Autre avantage non négligeable du football américain sur le hockey, et ça ne devrait pas déplaire à François Legault, c'est que le football oblige ses meilleurs éléments à passer par le réseau universitaire américain pour accéder au niveau professionnel. Ce qui veut dire que chaque joueur de la NFL a un diplôme d'université en poche avant d'entamer sa carrière sportive, et pas un diplôme d'université locale comme l'UQAM, non, une vraie université de classe mondiale. Ouais. C'est quand même un avantage énorme sur la LNH, une ligue où les joueurs n'ont qu'un seul diplôme et c'est dans le domaine de la commotion cérébrale. Non, vraiment, le football est fait sur mesure pour les Québécois, et avec le réchauffement climatique qui frappe la planète, où on va pouvoir jouer au hockey, hein, alors que nous n'aurons même plus d'hiver, hein? Où? Alors, bon Super Bowl tout le monde, mangez pas trop de guacamole et faites attention quand vous flushez vos toilettes. Merci, Fran. J'étais dû pour une gorgée d'eau, là. Ben, je vous le dis, mettez des points puis des virgules. C'est fou ce que ça peut faire pour vous. Mais là, il y a une formation qui est offerte, là. Je vais y aller, je pense. OK, vous irez. On va aller retourner, j'allais discuter avec Jean-Sébastien, bien malheureusement. Jean-Sébastien, bonsoir. et que vous êtes fin. Alors, je suis toujours avec Mme Patricia Richard de Jumboom.com. On se questionne sur les jobs d'avenir qui pourraient m'intéresser. Oui. Parmi les choses que j'aimerais explorer, Mme Richard, j'aimerais éventuellement travailler sur une bonne émission d'humour. Vous savez, récemment, dans votre quotidien, il y a la journaliste Diane Gagnon qui a dit « La soirée est encore jeune » est une émission un peu débile, mais en revanche, à la semaine prochaine, c'est une émission drôle et intelligente. Ma question pour être drôle et intelligent, qu'est-ce que je peux faire sur le plan académique? Alors, l'attestation d'études collégiales, bien sûr, donnée à notre École nationale de l'humour, serait une proposition. On certifie sur le site de l'école que 81% en fait, des diplômés travaillent dans l'humour. C'est quand même assurant. Et 75% d'entre eux, en fait, des récompensés du Gala des Oliviers provenaient de l'école. Alors, donc, c'est quand même de bonnes perspectives pour... Oui, tout ce qui est au Gala des Oliviers, c'est bon. J'aimerais savoir aussi, est-ce qu'on apprend à faire des imitations à l'École de l'humour? Alors, je présume que oui, mais c'est certainement pas. Je ne serais certainement pas une bonne candidate. Ah, bon, parce que moi, je pense que je fais de bonnes imitations. Je sais pas si on a le temps que j'en fasse deux, trois, Jean-Philippe, ça peut être bon pour ma carrière. Non, je. Ouais. Rapidement, quand même. Ouais. Bon, alors, je fais Maurice Richard. Alors, ça va comme suit. Bonjour, ici Maurice Richard. Ah, ben c'est crédible. J'ai aussi, c'est pareil. J'ai aussi dans mon répertoire des femmes, évidemment, depuis l'automne dernier, c'est Pauline Marois. Ça va comme suit. Bonjour, ici Pauline Marois. Ah, vous avez Pauline Marois. J'ai Pauline Marois, j'ai pas le choix de m'adapter. Et ma meilleure imitation, évidemment, c'est celle de Philippe Lagu. Bonjour, vroom, ici Philippe Lagu, le chroniqueur automobile. Ah, ben là, OK. C'est ça, oui, oui, oui. Ben, on va continuer avec ma recherche d'emploi. Si c'est pas bon, Madame hein? Richard. Ben oui. Je suis pas seulement un grand imitateur, je suis un peu caractériel. J'ai envie de fêter sur tout ce qui bouge, puis de varger comme un mongol sur des inconnus qui n'ont rien fait. Ma question, policier, est-ce que tu peux des débouchés? Je suggérerais peut-être plus le forage dynamitage, là, mais ben oui. Quand même, oui, alors avec 5% de chômage pour les finissants de la technique quotidienne, mais par contre, pour faire son école nationale de police. Bon, alors maintenant, moi, je trouve ça injuste d'être le seul à me prévaloir de vos services, ma belle Madame Richard. Alors, si vous permettez, on va inviter nos auditeurs à vous poser leurs questions sur leur orientation de carrière. Alors, chers auditeurs, vous pouvez le faire à lasoirée@radio-canada.ca. Et Jean-Philippe, on se retrouve dans quelques minutes. Ben, c'est ça qui est ça. Merci hein, quand même. À mon Dieu, qui est bon, hein? Non? Non, c'est, je pense que c'est comme trop, là. Je n'ai pas pu réagir. Je comprends. Notre deuxième invité, Fred. Impliquée en politique depuis 1969, notre deuxième invitée a d'abord été directrice de cabinet, ministre des Affaires internationales, ministre de la Culture. Elle a presque tout fait. Accueillons Mme Louise Beaudoin. Madame Bonjour. Beaudoin. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Ben, je vais vous dire une chose, Mme Beaudoin. Oui. Depuis les élections, je vous trouve pas mal discrète. Ah ben oui, mais je suis à la retraite. Ben arrêtez donc. Ben oui. Une femme jeune comme vous. Ah, jeune, pas tant que ça. Ben voyons donc. Oui. Ben là, qu'est-ce que vous faites de votre retraite? Ben j'ai commencé par un long voyage au lointain, en Argentine. Ah, c'est vrai? 2 mois. Ah, vous devriez aller en Écosse. Les péquistes sont bien reçus là-bas. Beau. Ah, d'accord. Pas assez beau. L'Argentine, c'était en plein été. Quand ah, d'accord, suis d'accord. Je comprends donc. Ben oui, les élections. Vous êtes resté jusqu'aux élections. Vous êtes parti avant. Oui, non, j'étais là jusqu'aux élections. J'étais même venu à Radio-Canada à plusieurs reprises. Ah, j'écoute débattre. Pas ce poste-là. Non, mais. À l'émission d'Anne-Marie Duchaud. Ah oui. Ah, elle, je l'aime, par exemple. Bon. Non, mais je dis que vous avez été discrète parce que ça me surprend parce que normalement, une ancienne péquiste bien constituée, me semble qu'elle chiale. Chef, tu sais. Puis là, on attendait. Quand est-ce qu'elle va chialer sur Pauline? Puis Mme Beaudoin non, chiale plus. Non, j'aurais pas. Ah non? Ça. Non. Arrêtez donc. Ah ben mon Dieu, j'ai un grand pan de mon entrevue qui tient. J'ai rien à dire contre bon, Pauline. Bon, on va parler d'actualité alors. Oui. Est-ce qu'on va vous voir à la commission bientôt? Ben je sais, mais moi, il faut que je programme mon enregistreur numérique. Je suis pas tout le temps là. Fait qu'est-ce que vous allez passer, vous? Non, j'ai pas eu de nouvelles. Non, ah, mais M. Duchesneau dit non. Puis quand M. Duchesneau dit quelque chose sur la commission, c'est vrai. Fait que bon. Non, mais c'est parce qu'on a appris que même le PQ serait dans l'eau bouillante, selon Michel Lalonde. Ben, on va attendre, justement, de voir la suite des choses. Mais j'ai écouté ça, moi aussi, ben oui, cette semaine. Et je pense qu'en tout cas, dans les circonscriptions, moi, j'étais dans Chambly pendant 10 ans, puis ensuite dans Rosemont pendant 4 ans. C'est pas là que ça se passe. Tu sais. Là, on a la liste de membres, et puis on leur téléphone, puis on leur demande s'ils veulent bien financer le parti. Ça doit se passer comme ça à la CAQ aussi, dans Saint-Jérôme. Alors, évidemment, on peut pas ne pas parler quand même du PQ qui est au pouvoir, Mme Beaudoin. Vous avez quitté le bateau alors que de grandes choses auraient pu vous attendre pendant 16 mois, le temps que le PQ tombe. Disons que moi, je l'avais fait, ça. Vous l'avez dit tantôt, de 1994 à 2003. Mais ça, c'est sans compter les années 80 où est-ce que vous avez été en coulisses. Oui, oui, oui. Puis avec René Lévesque, ça, c'est les plus belles années de ma vie. C'est vrai? Avec René Lévesque, là, au tout début, quand on a fondé le Parti québécois, on était jeunes, on pensait justement qu'on ferait l'indépendance dans les 5 ans hey qui suivraient. Hey 40 ans plus tard, on était encore à se poser la question. Oui. Mais ça a été, pour moi, les belles années, quand j'étais ministre aux Relations internationales, à la culture. J'ai fait de l'opposition. J'écoutais Jacques tantôt en parler. Puis j'ai été indépendante, moi, pendant 10 mois. Là. Ben oui, vous avez quitté le PQ. Puis, oui, je suis revenue après ça. Oui, non, je sais. Je suis revenue à la fin pour terminer dans l'harmonie. Ben non, je comprends. Donc, d'ailleurs, je trouve ça drôle parce que j'ai une citation de vous aussi, là. Mm. Je ne voudrais jamais réintégrer ce vieux parti. Non, j'ai jamais dit ça! Dans une entrevue, je l'ai même. Je vous l'enverrai par courriel. Oui, vous me l'enverrez. Oui, mais non! Je suis rendue ailleurs et j'ai tourné la page. Vous avez dit ça. Non, j'ai pas dit ça. C'est fort. Nos sources sont pas c'est... Non, non, ils sont assez bonnes. Ben, à moins que ce soit le maudit journaliste, mais ça, c'est le devoir. Non, mais le devoir, c'est non, pas j'ai des pas vrais journalistes. Parti. Ce que j'ai dit puis ce que j'ai écrit, j'ai dit que je n'irais pas dans un autre parti parce que, évidemment, j'aurais été assez près de Québec solidaire pour toutes sortes de raisons. Puis, bon, c'est vrai? Oui, t'es assez près. Moi, je suis assez à gauche. Et puis, bon, Québec solidaire est quand même souverainiste, puis tout ça. Mais non, j'avais décidé que j'irais dans aucun parti. Puis je connais bien Jean Martin, j'étais au sang, j'étais avec lui pendant 3 ans dans l'opposition. Oui, oui, ben oui. Alors j'aurais pu imaginer, mais non, ce que j'ai dit, j'irai à nulle part. Bon, je suis allée à nulle part, puis je me suis pas représentée, puis ça, j'avais dit que je me représenterais pas. Ben ça, j'ai déjà entendu ça. Ouais, c'est ça. On en reparlera dans 2-3 ans. Non, là, c'est l'âge. Là, ah, OK, OK. Mais là, bon, on parlait justement que Pauline est allée en Écosse. Là, vous avez été une spécialiste des relations internationales longtemps. Oui, mais pas de l'Écosse. Non, en même temps, l'Écosse, un petit pays de rien du tout. Ben, c'est pas encore un pays, d'ailleurs. Cela dit, on va vous prendre comme analyste des relations internationales. Là. Oui. Bon, Pauline est allée, ça a été correct comme voyage. Ça a peut-être été... À Davos, tous les premiers ministres du Québec sont toujours allés à Davos depuis ça, M. Bourg. Ça, c'est correct. Mais oui, c'est le bout de l'Écosse, moi. Ah, OK. C'est le petit bout de l'Écosse. En tant que spécialiste... C'est pour aller prendre un scotch. Ah, ben, c'est ça. Grande fan de scotch. Oui. Mais, cela dit, vous en pensez quoi, là, comme analyse? Est-ce que c'était une bonne idée d'aller en Écosse? Est-ce que c'était... Et ce que je n'ai pas compris, puis j'imagine donc qu'on va nous l'expliquer, c'est à quel moment Alex Salmond a décidé de ne pas recevoir officiellement, puisqu'il a dit, c'est une rencontre privée, une rencontre de courtoisie, enfin, etc. Et puis, il a dit, on ne fera pas de photo-op, alors que normalement, c'est évident qu'il y en a. Un point de presse commun, François Hollande, le président de la France, est sorti sur le perron de l'Élysée il y a quelques mois pour accompagner Pauline Marois pour faire un point de presse commun. Alors, à quel moment, et c'est ça, je veux dire... Tu prévois pas un voyage en Écosse sans avoir d'assurance que ces choses-là vont se passer. Je vais vous dire une hypothèse, mais je peux me tromper. Là. Très franchement, j'ai parlé à personne au PQ de ça, alors je peux pas vous dire. Ah oui, non, vous avez plus de contact. Ah ben oui, mais j'ai pas téléphoné, puis j'ai pas commencé pour à rire m'informer. Un peu. Non, on fait pas ça. On fait pas Jean-François n'est pas là, il est en Inde. Mais si l'ambassade du Canada, tout d'un coup, parce que moi, quand j'étais ministre des Relations internationales, à la toute dernière minute, ils passaient leur temps à faire des pressions insupportables sur, justement, les pays, les présidents, ou etc. Et c'était comme ça que ça marchait. Et je me souviens que Lucien Bouchard, un jour, on était rendu à New York, on avait reçu une invitation du président du Mexique, qui était Vicente Fox à l'époque, pour assister à son intronisation. On est rendu à New York, et puis on se fait dire qu'on est désinvités. Arrêtez donc! Oui! Les invités... Oh, alors, heureusement, on a pu revenir à Québec. Les réservations ont-ils été remboursées? En tout cas... Non, mais c'est une bonne hypothèse, effectivement. Mais moi, j'en ai une autre hypothèse. Moi, je pense que le premier ministre écossais a écouté la chanson « Not Home » de Jean-François Lisée. Puis ça l'a découragé. Mais là, si M. Lisée est en Inde, on va-tu avoir un film Bollywood? C'est une bonne question. Pour rapprocher la communauté. Pour avoir une entente de coopération. Mais je trouve ça intéressant que vous parliez de Jean-François Lisée parce qu'il est votre remplacement. Oui, puis c'est mon ami. En plus? En plus. Ah, ben on va essayer de vous faire dire des choses. Oh là! Non, mais c'est parce qu'il est député de Rosemont. Il vous a remplacé. Mais oui! Et il est rendu maintenant ministre des Relations internationales. Il vous a remplacé. Oui, mais il est plus jeune que moi, c'est normal. Arrête Monsieur donc. Monsieur Duchesneau est le fils caché de François Legault. Mais moi, Jean-François Lisée, c'est mon ami. Ça, c'est vrai, on a oublié ça. Hein? Monsieur Duchesneau qui est le fils de François Legault. Faire des enfants autrement. C'est ça, hein? C'est la politique. Ça va être le grand titre de J'ai extrêmement hâte de voir voir ça. Oui. Cela dit, est-ce que vous trouvez que M. Lisée fait un bon travail pour le moment? Écoutez, je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il fait sur les relations internationales. Sur la question linguistique... Ah, ben c'est ça. Ben là, je vous le dis. Ouais. Je pense qu'il doit s'en douter. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On va y envoyer. Il y a un certain nombre de nuances. Ben oui. Et puis lui, quand il était blogueur et qu'il était universitaire, il se permettait de dire le fond de sa pensée. Sans langue de bois, moi, je ne suis plus en politique. Alors, je me permets de dire que, en effet, ce qu'il a dit concernant la STM, très franchement, je ne comprends pas très bien. Et puis notre home, ben, c'était peut-être pas nécessaire. Vous pensez? Parce que j'ai pas trouvé ça si pire que ça. Non, c'était pas écoutable. Honnêtement, c'était pas écoutable. Cela dit, vous parliez de la langue, c'était intéressant parce que c'était votre dossier. Ça. C'était un des dossiers importants que vous aviez au PQ. Ans. Et là, ben, on a Pauline qui reculait un peu sur la loi 101. Oui, mais elle n'avait pas le choix, parce que je pense pas que la CAQ aurait accepté, ni les libéraux, que le cégep soit en français, ce qui était une des mesures phares, finalement, adoptées par le Congrès du Parti québécois. Ils auraient voté contre. J'ai une dernière question pour vous, Mme Beaudoin. Et, parce que je vous lisais, en janvier 2012, vous aviez regretté le départ d'un ami de l'émission, François Rebello. Et là, on veut savoir, on le cherche, on ne le trouve pas, M. Rebello. Et là, vous aviez dit qu'il représentait la relève. Ben là, c'est pas fort fort comme relève. François, moi, je l'aimais beaucoup. C'est un fait. Et puis, je le disais tantôt à Jacques Toucheneau, avant qu'on arrive en onde. Et je lui posais la question, justement. J'ai dit, il faudrait que je parle à François. Ben... Je lui ai pas reparlé. Mais quand on était au Parti québécois, on se fréquentait beaucoup. On se parlait beaucoup. Puis, je trouvais qu'il faisait partie de ces jeunes entrepreneurs qui avaient une vision de l'avenir du Québec et tout. Il n'a pas choisi la bonne circonscription. Parce que si je comprends bien, s'il avait choisi la circonscription d'à côté, il aurait gagné. Il aurait gagné. Puis, en plus, c'était son ancienne circonscription. Oui, mais bon, c'est pas nous qui faisons la stratégie politique, mais d'ailleurs, c'est une drôle de stratégie. Mais là, est-ce que vous allez nous donner des nouvelles de François? Il faut qu'il revienne, si c'était la relève. Mais vous lui parlez, je pense que s'il a écouté votre émission, il s'en vient comme animateur aussi à votre émission. Voulez-vous que je vous dise, on essaie de le mentionner au moins une fois par émission, ça fait 30. Alors maintenant, je dis, je pense toujours que... pas vu. Mais non, c'est ça. Moi, son radio est fermé. Pensez-vous? Mais en tout cas, merci beaucoup, Mme Beaudoin. Merci. Vous restez avec nous? Oui. Parfait. Vous discuterez avec M. Duchesneau à côté. De la job d'opposition, parce que ça n'a pas l'air facile. J'ai pas beaucoup aimé ça non plus. Non, c'est mon Dieu. Non, mais on était l'opposition officielle, donc on avait. Mais quand j'étais indépendante, alors que c'était très intéressant pour. Parce que là, tu peux vraiment dire ce que tu penses, le fond de ta pensée, sans ligne de parti, sans leader, sans whip et tout. Mais tu sais que tu peux pas te faire élire comme indépendant. C'est au Québec, il faut que tu souviennes. Mais quand même, vous aurez réussi l'indépendance dans votre carrière. C'est quand même ça de fait. Bravo, Mme Beaudoin. Ben, vous restez avec nous. Fred, est-ce que vous nous présentez notre prochain chroniqueur? Ben oui. OK. Si l'écoute de la radio douteuse québécoise était une discipline olympique, il deviendrait certainement le marathonien des ondes jambonnes. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Olivier. Merci. Grosse semaine, Olivier. Ben oui, commençons avec une grosse nouvelle à Montréal. Marvin Rotran, le conseiller du district Snowden, a avoué vouloir fonder un nouveau parti, et ça, malgré son handicap. Jean Lapierre. Faudra voir s'il y a des alliés aussi. Attendons voir qu'est-ce que M. Coderre va faire. Rotran n'apporte le vent. Il est équipé d'oreilles pour ça. Des jeux de mots puis des blagues sur le physique des gens, on croirait entendre Fred Savard. Franchement, là, ça, c'est vrai. Jean Lapierre a l'habitude d'être plus subtil que ça quand il rit du monde. La commission Charbonneau nous en a encore fait voir de toutes les couleurs cette semaine. Esther Bégin, l'égérie de Stéphane Gendron à VTL, a d'ailleurs tenu à dénoncer cette commission d'enquête aux effets pervers. Qui va vouloir se présenter à une élection municipale au Québec? Qui va oser, va se dire, bon, ben là, je vais me faire salir sur la place publique, je vais me faire descendre, je vais me faire tirer des tomates et on va atteindre, briser ma réputation pour le reste de ma vie. Qui va faire ça? Qui on va avoir comme maire à Montréal? On va avoir Denis Coderre. Il n'y a pas un chat qui va vouloir se présenter contre lui. Bon, à part Marvin Rotran, à moins qu'il se soit envolé à cause de ses grandes oreilles. Donc, selon Mme Bégin, maintenant qu'ils savent qu'ils ne pourront plus crosser tout le monde, les crosseurs auront plus de job et c'est d'une tristesse infinie. Ben oui. Honte à vous, Mme Charbonneau. D'autre part, lundi soir était diffusé un épisode de 19-2 qui a plu à presque tous les commentateurs, sauf à Jérôme Landry et Denis Gravel qui, attirés par la perspective de voir du monde tirer du gun, ont écouté 19-2 pour la première fois et ont tenu à relativiser le génie du réalisateur. C'est une bonne scène de télésérie, là. Comprends-moi bien, là. Ouais. C'est bien fait, là. Mais encore là, je veux dire, on est loin de... Tu sais, on est loin du soldat Ryan, là, la scène du débarquement. Je sais pas, là. remettre les choses en contexte, ça c'est fait vrai. De la bonne radio, comprenez-moi bien, là, c'est bien fait, mais on est loin de Gilles Proulx, je sais pas. En fait, Radio X, là, c'est plus ce que c'était. Tellement qu'on y laisse un zozo comme Jean-Charles Lajoie et Sévire aux grandes dames du bâtisseur Jeff Hillion. La majorité des gens qui travaillent maintenant à Radio X ont une chose à quoi ils pensent, non pas le nom, leur chèque de paye. On a bâti Radio X pour renverser les oiseaux comme Jean-Charles, je sais pas trop qui. Jean-Charles Lajoie. Il était assez cassé dans le tel. Ouais. Quand quelqu'un prend ton logo, avec Jean Pagé aussi, il pile dessus, puis il va même à faire ses excréments dessus. Ah. Tous les droits sont permis par rapport. Oui, tous les coups sont permis. On va quand même pas laisser ces animateurs-là qui glorifient ceux qui font de l'argent juste penser à faire de l'argent, quand même. Là. Ben non, c'est vrai. Autre gros débat cette semaine, les jeunes devraient-ils avoir le droit de vote à 16 ans? Écoutons Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal, nous expliquer que la majorité silencieuse des jeunes n'est pas cave, mais un peu quand même. La majorité silencieuse, bon, parce qu'elle parle pas qu'elle est cave. La majorité silencieuse des jeunes de 16 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent aux jeux vidéo, essaient de trouver les moyens pour aller boire de la bière sans que leurs parents s'en rendent compte. C'est vrai. Tout ce que ça prendrait là pendant, mettons, un référendum, ça serait qu'un politicien fédéraliste aille lancer que au lendemain de l'indépendance, les jeux vidéo en anglais seront interdits au Québec. Son chien Pauline, il est mort. Non, sont pas trop caves, les jeunes de nos jours. Juste assez caves pour croire qu'un Québec indépendant les empêcherait de jouer à Call of Duty. Quoi qu'il y a pas mal d'adultes qui ont cru que le reste du Canada les aimait pour vrai en 95, fait qu'on sait jamais. Parlant de jeunes, Sylvain Bouchard de Cogeco à Québec s'entretenait cette semaine avec le petit Félix, 13 ans, au sujet de son exclusion du projet Les filles et la science. Moi, j'aurais aimé ça le faire, mais je trouvais ça un peu sexiste. T'en plains, ça. Tu viens d'a... Au moins, t'as appris ça, Félix, que le gouvernement du Québec et son ministère, c'est sexiste et c'est pro-femelle, power-femelle. Ah, c'est grâce à des gens comme Sylvain Bouchard que nos jeunes seront sensibilisés à l'oppression des power-femelles. Et lorsqu'ils auront l'âge de voter, qu'ils pourront se libérer de leur joug, ben, ils vont rester chez eux puis ils vont jouer au Xbox. Ben oui, c'est bien sûr. Merci, Olivier. Oh, ça fait de la bonne radio, pareil. Ah oui. Ah. On le sait, hein, les Canadiens sont de plus en plus endettés, on l'a appris. Et on entend d'ailleurs beaucoup, beaucoup de publicités de syndics de faillite hein, sur les ondes. Et en voici une d'ailleurs assez troublante. On écoute. Mon voisin a un char de l'année. Moi aussi. Mon voisin a une piscine creusée. Moi aussi. Mais moi, j'ai quelque chose que mon voisin n'a pas. J'ai 20 000 piastres de dettes. Quand les dettes nous font perdre tous nos moyens, on ne s'en rend pas toujours compte à temps. Mais laissez faire les firmes de syndic pour redresser vos finances. Faites donc de la politique municipale à la place. 20 000 piastres, c'est deux enveloppes de 10 000. Puis deux enveloppes de 10 000, c'est deux contrats de trottoir. Ça va vite. La politique municipale, fier partenaire de la corruption depuis Maurice Duplessis. C'est ça le truc! Ah! Oh, on comprend maintenant. On va les retrouver dans la joie et l'allégresse. Jean-Sébastien Girard. Bonjour, Jean-Philippe. Alors, on a reçu beaucoup de courriels ici pour Mme Richard, mon invitée, Mme Richard de Jumboom.com. Beaucoup d'auditeurs qui veulent se trouver un emploi. Alors, le premier courriel ici nous vient d'une Mme L. Baudouin qui me dit « Bonjour, je n'ai malheureusement plus de job depuis l'automne. J'en viens bien, moi, de jouer au golf puis d'aller magasiner avec mon amie Lisa. J'aimerais beaucoup réintégrer le marché du travail. Mon point fort, j'ai peint du sex appeal. Mon point faible, je suis pas ben loyal envers mes supérieurs. Qu'est-ce que vous pourriez me suggérer? Ben écoutez, on a pensé que peut-être pour qu'elle puisse enfin assister à l'accouchement de l'indépendance du Québec, le baccalauréat tout nouveau en pratique sage-femme. C'est pas bête, ça. C'est très bon. Deuxième courriel qui nous vient de M. F. Savard, qui nous dit « Je suis engagé dans une émission d'humour, mais spontanément, je donne plus dans le socio-philo-anthropo-machin. Mon point fort, je suis grand. Mon point faible, je suis drôle moyen. Comment pourrais-je me recycler? » Alors, nous proposons le DEC en gestion d'un établissement de restauration pour qu'il puisse apprendre à cuisiner ses gags et ses invités. Que c'est bien envoyé. Et en terminant, un dernier courriel qui nous vient de M. J. Duchesneau. Bonjour, j'ai une nouvelle job depuis quelques mois, mais maudit que c'est plate ce job-là. Je cherche à être stimulé et à redevenir la star des médias que j'ai été. Mon point fort, je suis bien bon bon pour donner des conseils, la pognez-vous. Et mon point faible, je roule mes airs, comment pourrais-je me recycler? Alors, peut-être pour son côté nostalgique, mais on a pensé aux diplômes d'études professionnelles en mécanique d'ascenseur. C'est pas bien ça non plus. Ben, écoutez, comme ça Martin s'élève. Dumont, oui, comme Martin ouais. Dumont, tout le monde a reçu de bons conseils. Je vous remercie beaucoup, Madame Richard. Et Jean-Philippe, finalement, je décide de rester avec vous parce que vous allez bien finir par tomber malade à un moment donné. Ben, si je continue à vous écouter, il y a des bonnes chances, Jean-Sébastien. Flatteur, flatteur. Merci. Eh bien, on va aller écouter notre dernière chroniqueur de la journée. Elle écume les internets pour débusquer l'insolite dans l'actualité et nous la restitue afin de comprendre en quelle époque formidable nous vivons. Voici le billet de Léa Strelitzky. Madame. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, Madame Strelitzky. Oui, je suis la seule power femelle de cette émission. Ouais. Je suis vraiment désolée d'être ici, cette pauvre clitocratie qu'est le Québec. Ben, je le sais. Ma nouvelle préférée de la semaine. On apprenait dans le Huffington Post, messieurs, cette semaine, que selon une étude, plus un homme fait le ménage, moins il a de rapports sexuels. Oui, c'est très propre. Très sage, c'est très, moi, c'est très propre. C'est pour ça que je fais pas le ménage. Très, très propre. Ah, c'est très propre, oui. Est-ce que c'est très propre chez toi, Jean-Philippe? C'est ouais. Est-ce que c'est un clean. Message que tu essayes de nous faire? Seras-tu disponible sur Réseau Contact après l'émission? C'est ça qu'on veut savoir. Regarde, je lance ça, c'est propre. Regarde ce que je te dis, le lit est tout le temps super bien fait, les draps sont lavés. Bref, cas, selon les conclusions de cette étude, il existe donc une sorte de scénario sexuel bien défini par le genre dans lequel se conduire en genre masculin et en genre féminin serait important pour l'éveil du désir et l'accomplissement de l'acte. Alors, tout le monde a compris, les filles en rose, les garçons en bleu. Ouais. Hein? Et monsieur, s'il vous plaît, non, lâchez l'aspirateur. Ben, il en va de la survie de notre espèce. Hein? Il en va au nom de la science, s'il vous plaît, messieurs. Non, ce qui est drôle, c'est qu'après des millions d'années d'évolution, les gars sont en train de se rendre compte que peut-être les tâches ménagères ne sont pas la chose la plus érotisante au monde. Peut-être. C'est une hypothèse, hein, mesdames? Ben, moi, je trouve ça bien le fun. C'est maintenant prouvé par la science. Ensuite, la semaine dernière, il y a un dauphin qui s'est perdu dans le port de Brooklyn. Ouais, ça a fait le tour des réseaux sociaux et je suis pas contente de comment ils ont géré la situation, Jean-Philippe. Non. Ben, premièrement, les experts animaliers ignoraient comment il s'est rendu là, le dauphin. Moi, j'avais proposé à la nage, mais bon, personne ne m'écoute, moi, Jean-Philippe. Ben non. Je suis là aux trois semaines, personne ne m'écoute. Ben non, c'est ça. Ensuite, ils ont décidé de le laisser dans le port pour la nuit pour attendre s'il allait repartir avec la marée haute. Ben, c'est-tu ce qui est arrivé? Non. Ben, un dauphin seul dans les eux glacées et polluées du port de Brooklyn. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il s'est fait voler son portefeuille? Ben non. Quoi? Il est mort. Ah, mais mon Dieu! Ben, je sais bien. C'est donc bien triste. Ben, je sais bien. C'est tout, là? Moi, j'ai même pas un cégep. J'ai toujours été pourri en bio. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire des bébés. Puis j'aurais été capable de leur dire. C'est vrai? Qu'il serait mort. Ben, mon oui. Dieu. C'est bien ben plate que vous soyez une fille. Non, continue. Je pense que Radio X, il cherche du monde en ce moment. Hein. Non, mais... En tout cas, faudra pas l'enterrer n'importe où, le pauvre dauphin. Ben non, et Maryland sûr, en sait quelque chose. C'est ma dernière nouvelle. Le gouvernement de l'Ontario vient d'ordonner que le fameux parc d'amusement aquatique Maryland cesse immédiatement d'enterrer les animaux sur le terrain du parc. Ben oui, ils faisaient ça, les coquins, depuis 1961. Ben moi, je trouve qu'il aurait juste pas dû le faire en cachette. Il aurait dû utiliser plus de transparence et le faire rentrer dans le parc carrément. Faire un manège avec ça. Ben, c'est ça, tu sais. Avec les os. Ouais, ben oui, tu sais, si tu veux voir un orque décomposé, tu sais, quelque chose de même, tu sais, ça marche. T'sais. Une fille qui est drôle, ben on va en profiter. On va vous réinviter, Léa. En plus. Mais non, mais ça aurait pu être éducatif, je sais pas. Tu sais, on sait jamais quoi faire avec ça, la mort dans notre société. Mais la décomposition, ça fait partie de la vie, Jean-Philippe. Il n'y a pas juste les chroniques de Lysiane Gagnon qui devraient en faire foi. Bon, Dieu, on a bien parlé de Madame Gagnon. Je sais bien, mais merci. C'était mon message de la semaine. Merci beaucoup, Léa. Merci énormément. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret Plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part qui est animé par Alexandre Courteau. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Jean-Sébastien Girard, Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge, Marie-Hélène Vautier. Un gros merci à nos invités. Monsieur Duchesneau. Eh bien, bon séjour dans l'opposition. Merci beaucoup. Bonne campagne électorale dans une couple de mois. Oui. Et puis bon séjour au pouvoir dans une couple de mois. Merci beaucoup. Et Mme Beaudoin, bonne retraite, mais revenez-nous quand même. Oui. On s'ennuie. Faites de temps en temps. OK, parfait. On va vous réinviter en chroniqueur. On manque de filles, puis elle qu'on a, pas bien bonne. OK. Ah, t'es belle, par exemple. Quant à nous, si vous voulez réécouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et si vous voulez assister à l'émission, la semaine prochaine, jeudi à 19h, nos invités Gilles Proulx et Micheline Langteau, ça devrait discuter. Oui. Et si Jean-Philippe Fautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.